Même s'il y avait le manque et ces absences douloureuses que je gérais de plus en plus mal à mesure que je la sentais s'éloigner, à chaque fois que je voyais Alice, j'étais profondément heureux. Vraiment très profondément. Elle ne cessait jamais de rayonner, d'être belle, de me transporter dans les plus beaux des rêves éveillés de l'univers. S'il y avait un absolu, un idéal dans toute une vie, un but ultime à atteindre, ce serait avec certitude les bras, les lèvres, le sourire ou tout simplement la présence d'Alice. Il faut dire que c'est la première femme que j'embrasse et qui continue à sourire même quand mes lèvres sont posées sur elle.